bonjour à toutes. On espère que vous avez passé une bonne rentrée. Enfin, pour ceux qui avaient une rentrée, enfin, c'est-à-dire pas trop pour moi en l'occurrence. Salut, c'est Brousty, qui vous accueille pour ce deuxième numéro de Late Night Wrestles. Évidemment, le deuxième sous ce nom-là, en tout cas, on vous retrouve pour parler de la WWE. Et ce soir, on va dire toutes les bonnes choses pour le business en tant qu'activité. Donc, on prend une équipe un petit peu réduite, enfin, due parfois à des problèmes technique, bon, on vous dit tout, donc forcément il y a des petits problèmes d'écodeurs pour certains, et bon, mais des emplois du temps aussi très surchargés, mais bon, en tout cas il y a un ciment solide. Avec le retour de quelqu'un là qui a passé des vacances ensoleillées, enfin, à travailler aussi, salut Gus. Salut Brousty, Eh oui. je peux dire un petit mot? Ça dépend sur qui, on va voir. Alors attends, non, parce que non, je m'en vais, tu vois, j'étais tranquille et tout, j'étais content, je m'en vais, on était 8, là on est 3, j'animais, j'anime plus, oh merde alors. Ah oui, c'est une réduction de budget. C'est une réduction budgétaire, c'est ça. Salut à toi, salut à tous. Eh oui, voilà, vous avez la vraie raison, effectivement, c'est qu'on pouvait pas payer plus. La Renault, par exemple, demandait trop, faut le dire, clairement, donc. Non, non, mais oui, c'est ça. Il demandait 2 paquets de M&M's par Ouais, jour, non, donc, faut pas salut partir. Hein. Vincent, au passage. Salut Vincent, ouais. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, j'ai pas eu mes pépitos ce mois-ci. D'ailleurs, Brousty, non, ne m'en veux pas si je si j'ai des vieux réflexes. Hein. Ouais, ça me fait peur là, mais on verra. je préfère te prévenir à l'avance. Tu vas parler de cul? Il y a Curtis Axel, mais non, sinon, bon. Pardon, Pardon, je suis. Bon, désolé, Si on excusez-moi, mais lançait j'avoue, je suis le. fan Si, de Thierry si, Moreau sur TPMP, donc c'est pour si on. ça. Et si on lançait le jingle? Oui, le jingle, donc le thème de Night of Champions, tout de suite. I'm gonna be a champion. Yeah, I got what it takes. Risk it all, make my own fate. Yeah, I'm gonna be a champion. All the glory and the fame, jet setting in my own plane. I'm gonna be a champion. Silhouettes in the spotlight, cash falling from the sky. Yeah, I'm gonna be a champion. Donc, et de retour à la Joe Louis Arena, cette fois-ci, on est quand même allé jusqu'à Détroit, au Michigan, entre l'intro et le jingle, c'est quand même remarquable. À commencer par le pré-show. Un pré-show que Gus a regardé, je sais, Vincent, t'as regardé? Pas du tout. Pas du tout. Bon, on va faire one-to-one avec Gus alors. Le match à One. l'affiche, le pré-show durait 30 minutes cette fois-ci, vu que la fois précédente on était habitué à 1 heure, mais là c'est 30 minutes. C'était un tag team turmoil match, enfin un autre nom pour désigner plutôt un gauntlet match, pour désigner challenger pour les titres par équipe. Alors, il y avait, je retiens mon souffle, les Prime Time Players, c'est-à-dire Darren Young et Titus O'Neil, Tons of Funk, Brodus Clay et Tensai, Usos, Jimmy et Jay, 3NB, Heath Slater, Drew McIntyre, Jinder Mahal n'était pas là, c'était celui qui était exclu. Et les Real Americans de Jack Swagger et Antonio Cesaro. Et les vainqueurs au bout du compte de ce match d'élimination, c'était les Prime Time Players, des Sans vainqueurs. surprise. Ah, sans surprise, tiens. Ah, bah pourquoi sans Ah surprise? bah avec tout le pataquès qu'ils font parce que Darren Young il a dit qu'il était payé, c'est pas étonnant. Oui, bon. C'est direct hein, Oui, c'est vrai qu'il faut préciser, c'est vrai que peu de temps après SummerSlam, il a révélé effectivement son homosexualité. Le premier catcheur en activité à la révéler. Depuis, c'est vrai qu'il y a quand même eu, ils étaient habitués à beaucoup de défaites et surtout ils étaient heel, et maintenant Tiens d'ailleurs. ils sont face, avec beaucoup de victoires. Ouais. Tiens d'ailleurs, en parlant de coming out, faut vraiment que Dolph Ziggler le fasse pour qu'il monte un petit peu parce que ses t-shirts, ça commence à plus faire, ça le fait plus, ses t-shirts moulants, il fait vraiment pédé le mec. Faut qu'il dise qu'il est pédé pour qu'il redevienne champion du monde en fait, c'est ça. Oui, Ça non, clash. non, non, non, après, je sais pas, c'est vrai que, bon, après, ils font du bon travail, et c'est sûr que Ah oui, j'en non. connais au Canada qui a dû être content sur le coup, MP, parce que c'est un fan Oui. inconditionnel de la première heure, mais sinon, moi perso, j'attendais plus les Usos, parce que bon, il me semblait qu'ils avaient un petit peu droit à une revanche face à Seth Rollins et Roman Reigns, mais bon, le paradoxe, c'est qu'elle va vraiment arriver, cette revanche, maintenant. Oui, non mais tu sais pourquoi ils n'ont pas eu la revanche avant? Non, non. Désolé pour les homosexuels, mais Darren Young a fait son coming out, c'est tout. Non mais c'est vrai, non mais attends, mais Darren Young aurait pas fait son coming out, il serait aujourd'hui dans le même état qu'ils étaient le mois dernier, c'est-à-dire au fur et à mesure de la carte où ils apparaissaient pas. Oui, non, après, Non, après, il n'y a aucun, voilà, aucun truc, moi perso, peace and love, comme qui dirait l'autre. Et donc, Non, mais Gus a pas tort parce qu'avant de Réunion, on le voyait jamais. Là, Haro, il gagnait des Ouais, voilà, victoires à l'Allemagne. Top from Nowhere Ouais, contre voilà. Cesaro, quoi. Là, le mec, il devient cheaté comme pas possible, quoi. Je vous rappelle quand même que le type, il y a 3 ans, je vous rappelle ce qu'il faisait. Il s'est fait éliminer par Daniel Bryan dans un match 7 contre 7, à un bout de 45 secondes, par un certain Daniel Bryan. Oui, le fameux Voilà ce match qu'il faisait. de Voilà la ce qu'il Nexus à SummerSlam, oui. C'est ça, voilà ce qu'il faisait le type il y a 3 ans. Bah, il était à Nexus quand même, mais donc ouais. Oui, non, il Je était sais dans pas la s'il a Nexus, mais c'était foutu vraiment en le maillon faible. fiable. Oui, voilà, oui. C'était vraiment le maillon faible. Et sinon, le match en lui-même, tu as pensé quoi? Ben, en fait, j'ai des gros soucis, on va dire, de connexion. Je te disais que ma Ah oui, connexion, merci. donc j'ai pas pu Il y a voir tout beaucoup le de match jusqu'à que pouvoir. je repasse sur ma télé. Donc en fait, ce que j'en ai pensé de ce match, c'est que c'était pas terrible, terrible. On sentait que c'était sûr à 100% que les PTP allaient gagner pour moi. Mais sinon, les Tons of, franchement, le match d'ouverture, on aurait pu avoir mieux parce que les 2MB contre les Tons of Funk, c'est-à-dire les deux équipes dont on se branle carrément les couilles, qui ont débuté le match, ça donnait pas envie de regarder la suite, quoi. Et bon, après, ça va, on est parti sur un Usos contre les Real Americans. Mais bon, c'est sûr que les Prime Time Players allaient gagner, quoi. Pourtant, sur le papier, les favoris, c'était plutôt des types comme Jack Swagger, qui était challenger encore au titre World Heavyweight. Ouais, World Heavyweight, pardon. C'est une connerie, j'ai dit World American à cause de ce que dit Vincent sur le chat, mais En même temps, c'est le real American, donc. voilà, c'est les réels All américains, American d'ailleurs. American. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire que bon, sur le papier, c'était bien sûr les Real Américains qui devaient l'emporter. Mais bon, storylinement parlant, obligatoirement, ça aurait dû être, ça a été les Prime Time Players qui surfent un petit peu sur la vague du coming out, quoi, pour le moment. Enfin, pour moi, ça vient que de ça. Ça vient vraiment que de ça. Oui, bon, Parce c'est vrai. que, Oh, c'est vrai que je dis ça, pas parce que c'est vrai qu'on essayait de trouver d'autres attention, j'ai. partisans, mais c'est vrai que ouais, il y a deux Attention, équipes qui auraient dû leur passer devant, c'est vrai, mais. j'ai rien contre les homosexuels, mais bon, il y a peut-être des gens qui auraient peut-être dû passer avant les Prime Time Players pour moi dans ce combat-là. Et je me pose une question là tout de suite. Est-ce que la 2-2 ne fait pas gagner la Réunion parce qu'ils ont peur de d'avoir un petit peu des articles pas très gentils envers eux si ils perdent tout le temps et qu'on dit Non, voilà je ce qu'ils pense sont. pas. Non, Tu vois. Ou alors ils surfent sur la popularité, je entre pense que la guillemets. WWE est au-dessus de ça, et que oui, ils surfent plutôt sur le. Bah, c'est-à-dire qu'aux Sur l'occasion, États-Unis, quoi. le coming out, il est devenu un peu monnaie courante, parce qu'il y a un Ouais, c'est devenu. basketteur américain qui l'a fait à NBA, bah, il a été applaudi par tout le monde, même Obama. Donc voilà, c'est très bien vu en fait aux États-Unis. Mais c'est vrai que quand il y a eu le coming out de Darren Young, il y avait même 20minutes.fr qui avait fait un article dessus, donc. Oui, tout, bah oui, beaucoup de trucs en France qui ont rien à voir avec le catch l'ont fait, donc ouais. Pourquoi ça a dépassé le cadre et Oui. ça fait une pub pour AEW dont Vince McMahon, ma foi, bah, a pris plaisir quand même, mine de Bah rien. oui, bah ça fait toujours une bonne pub après de dire que j'ai un PD qui travaille pour moi. Ouais, donc le match a duré 11 minutes 14 et moi, bah, je dirais un mot rapide, en fait, bah, je me suis bien emmerdé. Le gros problème, c'est qu'il n'y avait pas de notion par équipe, c'était 1, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1. J'ai vu aucune combinaison par équipe, ça m'a quand même ennuyé ça. Bah en fait, On il va aurait dire peut-être ça. fallu voir un Fatal 4-Way, peut-être plutôt. On aurait peut-être plus de plaisir à voir ce combat, je trouve. Bah oui, Plutôt c'est qu'un sûr. Tag Team Bon, Tournament. après, les pré-shows, on en attend assez peu en général, même s'il y en a eu des bons récemment, mais bon. Oui, il y en a eu des bons, ça je dis pas le contraire, mais bon, celui-là, on va vite l'oublier. Et ouais. Bon, et sinon, le petit point panel du jour, les invités, c'était Booker T, Alex Riley et Santino Marella. Voilà. Alex Riley, ouais. Alex Riley qui n'est plus catcheur est devenu Oui, commentateur. ouais. Et Santino qui avait fait son retour la semaine juste avant. Voilà. Ouais, le lundi juste avant où il avait battu qui déjà? Antonio Cesaro, et ensuite Antonio après il avait César. battu Damien Sandow, donc ouais. Oula, Voilà, futur voilà. champion du monde. Et oui. Mais en attendant, bah, on démarre le pay-per-view en lui-même avec Triple H qui vient de dire quand même un petit changement là pour le main event dont on parlera plus tard, et qui ensuite a été interrompu bah, par Paul Heyman et Curtis Axel qui ont débarqué. Paul Heyman qui est un peu rouspété forcément parce que bah, il est sous le choc du match qu'il devra disputer là plus tard, le fameux match sans disqualification, bon on en parlera plus tard. Bah du coup ça s'est un peu asticoté, Curtis Axel a osé répondre à Triple H, et du coup Triple H pardon s'est dit que bah Night of Champions tous les titres sont défendus d'habitude. Bah, sauf que là il n'y avait pas le titre intercontinental, bah ça y est il l'a fait donc et devinez qui s'est frotté à Curtis Axel, c'est évidemment Kofi Kingston, celui qui est toujours là, dès qu'il y a un titre intercontinental ou un titre des États-Unis qui passe. Il est là, mais Curtis Axel a résisté, l'a battu après 13 minutes 56 secondes. T'as pensé quoi, Gus? Oui. J'ai eu peur, hein. Vraiment, hein. J'ai eu peur parce qu'à chaque fois que Kofi Kingston est dans cette situation où le mec, ou enfin c'est un match pour le titre qui n'est jamais prévu, à chaque fois que Kofi Kingston est challenger de ce type de match, il gagne. Donc j'ai vraiment eu peur qu'il remporte le titre intercontinental pour la 46e fois de sa carrière. Mais heureusement que la WWE est pas conne et continue le règne de Curtis Axel, hein. Heureusement. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon le match en lui-même, étant donné que les deux catcheurs m'intéressent pas énormément dans le ring, je m'en foutais un petit peu en fait. Donc je vais pas te mentir en disant que je me suis ennuyé. Et Vincent, même avis ou sur le match Non, tout moi ça? ça va, j'ai ces deux catcheurs qui me laissent pas indifférent. Après, voilà, forcément, il y a mieux qu'eux, mais disons qu'ils ont donné un opener assez bon. Mais je trouve que le match est un peu à l'image de tout le pay-per-view, c'est pas mauvais, mais on s'en fout, quoi. Voilà. Merci Vincent. Mais d'ailleurs, avant le pay-per-view, bah, c'est limite si tous les fans en fait se foutaient un petit peu qu'il y avait un pay-per-view presque dimanche dernier, hein, parce que personne en a parlé. Ce pay-per-view-là, il était vendu comme de la merde par la WWE. Faut dire ce qui est. Bah, c'est surtout que c'est ça suit SummerSlam, donc. Ceux qui avaient une story par-dessus les autres, c'est tout. Hein, pas, En voilà. plus, mais oui, Et non, il y ça a avait. évité tout le reste, c'est sûr. D'accord qu'il y avait une story par-dessus les autres. Mais justement, c'est la story qui est censée venir nous, qui est censée nous faire dire putain, vivement le pay-per-view quoi. Mais même là, non quoi. J'ai regardé Money in the Bank. Il y avait une seule story qui tenait la route en 2011. Hein, je vous parle, hein, le fameux Summer of Punk où il y avait vraiment qu'une seule story. Mais putain, on l'attendait le pay-per-view. Mais là, non, on l'attendait pas. Ouais, non, mais tu veux pas comparer, c'est pas la même situation, et puis en plus, Bah là, ça si, c'est à peu suit. près la même chose, parce que bon, si tu regardes bien, là, c'est un petit peu Ah non, parce qu'on est de l'effet... même, t'as quand même les deux matchs de l'échelle Oui, qui non donnent mais... envie d'en voir le Ah, pay-per-view. d'accord, mais là, t'es un petit peu en plein milieu du Summer of Brian, quand même. Ouais, mais justement, t'attends le main event, mais t'attends pas forcément, enfin, je veux dire, le match des Divas, voilà, c'est à part, le match intercontinental, c'est à part, Ouais, la mais story non, de Punk, ouais, c'est non, à mais part, donc. ce main event-là, il aurait dû nous faire donner l'envie d'acheter le pay-per-view. Ouais, Non, non. mais enfin après c'est un pay-per-view qui suit SummerSlam, donc c'est toujours difficile. C'est comme les Capital Punishment ou les Over the Limit, c'est toujours difficile de garder l'attention des fans après un gros pay-per-view. Oui, et le pire, c'est que là, je crois, on n'y est pas encore arrivé, donc on évoquera, je pense, ces pay-per-views suivants qui vont. Battleground. Il y a Ça, on Ryback verra en plus affiche, tard. arrête. Oui. Oh, bah, on verra plus tard, attention. Et ouais bah pour revenir au match moi perso bah moi j'ai bien aimé parce que bah moi j'aime bien Curtis Axel déjà à l'époque où était Michael McGillicuddy même avant même quand Ah, il c'est était toi? toujours Indy Carpet. C'est Non, toi? bah, il a de bonnes qualités celui-ci bah ouais. Mais il a prouvé qu'il matchait bien et puis j'ai l'impression que cette soirée est destinée à le faire monter mine de rien parce que un match de 14 minutes comme ça sachant qu'il a encore Punk à se coltiner après bah c'est quand même pas mal. On se demande ce qui peut se passer d'ailleurs après. Ça laisse pas mal de possibilités ouvertes et puis bah Kofi Kingston c'est un des grands matcheurs de la WWE mais bon après on le sait que lui à différence d'autres ah il sait que matcher le reste malheureusement il a trop de lacunes pour monter plus haut donc bah c'est logique après voilà et puis il débarque comme un chien dans un jeu de quilles donc il pouvait pas avoir le titre honnêtement c'est vrai que moi aussi j'y ai presque cru mais bon quand même ça aurait été un peu abusé puis ça aurait trop affaibli en fait avant le match contre Punk je trouve donc bah le résultat est logique quoi. Voilà. Ouais, justement, ça l'aurait peut-être affaibli, mais ça aurait peut-être pu faire sortir ses doigts du cul dans le combat. En Ouais, storyline, non, parlant, je te parle. il a trop perdu, je crois, mais voilà. Mais Vincent voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire, c'est quoi cette manière de débuter un pay-per-view avec un segment? On a eu le même tour avec SummerSlam. Je trouve que c'est pas vraiment. Ben, on T'as est pas plus besoin de mettre dans le un truc segment aussi long que pour. Triple H, en même temps, ben, on le voit en ouverture des Raw, des SmackDown, ben, c'est pareil, il fait l'ouverture, donc en général, quoi. Donc voilà, on est dans Enfin, je trouve l'omniprésence. que c'est 10 minutes de perdu. Et puis en plus, là, Triple H était un petit peu dans un rôle de face en disant à Heyman, bah non, non, tu vas monter dans le ring, tu vas porter tes couilles. Alors, je n'ai pas trouvé ça très, très intéressant et très. très utile. Ben en fait, le problème, c'est que le président, enfin, entre guillemets, le chef, le chef est jamais heal ou il est jamais face, il est surtout tweener. Bon, là, surtout, il est forcément heal avec tout ce qui se passe autour de Daniel Bryan, ça c'est clair et net. Mais bon, il a aussi chef des heals, c'est ça qu'il faut pas le dire. Et bon, il fait son travail en disant que, ah ouais, tu fais le malin avec moi, et ben, ce soir, tu défendras ton titre quand même. Ils sont pas potes, c'est peut-être deux îles, mais ils sont pas potes, quoi. Non, enfin, j'ai pas trouvé l'intérêt de ce segment, quoi. Puis bon, c'est aussi le patron de la WWE a le droit de faire Pour un moi, discours. ça passe beaucoup mieux que les 15 premières minutes de SummerSlam qui étaient catastrophiques. Et The Miz qui fait un C'est discours sûr. pour dire Oui, qu'il fait un voilà. discours, et puis voilà quoi. Mais bon, non, mais moi je trouve que c'était mieux lancé, et puis c'est limite plus intéressant du pay-per-view presque avec l'affaire. Mais bon, on verra ce qu'il y a au milieu en tout cas avec la suite, je crois. Non, là je vais pas faire la formule. Il y a du copyright donc je peux pas. Vas-y, je t'autorise, je porterai pas plainte. On passe à la suite, messieurs. Oh, c'est à moi ça. Ah ben, c'est pour ça, t'as pas Tu porté. devrais un paquet de bounty, Agus. Voilà. Ah oui. Non, pas les Bounties, j'aime pas. Oui, d'accord. Et tu excellent. Prends-moi des Mars. Ou un Big Tasty D'accord, oui. Bon, on à verra si McDo. Jelly elle sera d'accord, parce qu'à mon avis, vu son corps, je pense pas qu'elle en consomme beaucoup. C'était le Fatal Four Way pour le titre des Divas, où elle affrontait les trois des Divas qui participent à Total Divas, c'est-à-dire Natalia, Brie Bella et Naomi. Bon, malheureusement, on a appris une info toute récente. Natalia a perdu son chat Gizmo, le fameux chat qu'elle a. Donc, condoléances. On en passe, mais mine de rien, c'est vrai, sans déconner, ça se coupe pas mal. C'était une des stars de Total Diva. Donc, voilà. Où elle Sérieux? s'est mariée, oui, elle s'est mariée à Tyson Kidd aussi, d'ailleurs. Voilà, évidemment. Depuis le temps qu'ils Elle étaient s'est ensemble. mariée quoi? Avec Tyson Kidd. Oui ça je sais ouais. Tant qu'ils étaient ensemble, ben, voilà, autant qu'il fallait le faire. Donc, dans le lot, ben, LG, ça n'est quand même sorti après 5 minutes 40, et mine de rien, à peine. Hein. En faisant la soumission sur Natalia, t'as à penser quoi, Vincent, ce spécialiste diva? Un bon spécialiste Ah c'est maintenant. pas vers pas? Oh bah écoute, il faut bien endosser notre rôle, il commence par V, donc je sais. Ouais, on va dire oui. Hein. Ce match a bien démarré, je trouve, avec Brie Bella. Mais bon, après, c'est parti dans les travers des divas, plein de botches, surtout avec Naomi, son crossbody qui part 36 mètres au-dessus de Natalia. Puis après aussi, Oh ouais, ça c'était violent quand même. Hein. après, elle s'éclate aussi le genou quand Jelly vient lui écraser la face sur le tablier, mais en fait, c'est le genou qui se casse la gueule. Donc, ouais, un fourre-tout. En plus, Jelly gagne avec une soumission. Elle a pas fait grand-chose dans le match, donc. Non, bah elle a rien fait. En même temps, c'est son rôle, et il faut le dire quand même. Elle était en infériorité numérique, carrément seule au monde. Il y avait un segment juste avant où elle était lâchée, bon, ce qui est pas trop mal, par Alicia Fox, Aksana et Leila. Donc voilà. Ouais, mais c'était C'était le jeu surtout. qu'elle était toute seule et ça la rend plus forte, mine de rien, quand même. So Parce que En contrôler, fait, ouais. Voilà. ouais, mais Et t'en penses quoi d'ailleurs, tiens? moi là-dessus, c'est plutôt moi ce que j'en pense, c'est plutôt le match promo Total Diva, quoi, c'est tout. Maintenant, il y en a un à chaque show, donc même en pay-per-view, on en Oui, a un. c'est vrai que. Après, il y a les nanas qui les accompagnent tout le temps aussi. Oui, voilà, donc il y a Jojo, y a qui? Y a Eva Eva Marie, Eva Marie, Marie. voilà. Eva Ça, c'est Marie, j'en vraiment ferais bien mon spécial. petit 4 heures quand même. Oh, Parce parce qu'elle qu'elle est est pas, aussi elle est rousse partie. que Elle Scarlett, est c'est ça, oh, Scarlett Bordeaux. ouais. Oui, bon. On Ah, développe. mais c'est vrai que par exemple, une catcheuse comme Caitlyn qui fait pas partie du programme, on la voit jamais, quoi. Alors que c'était la précédente championne, quoi. Tant mieux, non? Oui, là, Oui, complètement. non, c'est sûr. Tant mieux. Phénoménal, Bon, ouais. après, le match était meilleur que ceux qu'on voit à Raw, mais après, ça vaut pas un match pay-per-view, quoi. Bon, après Ah, les ça. divas, vu la place qu'ils ont, bon, on leur demande rarement de faire quelque chose vraiment d'exceptionnel. Donc, voilà. Et puis C'est Edge, elle ça. est meilleure un contre un, donc Ouais, moi j'attends quand même avec impatience les affrontements en Paige et Jilly. Hein. ouais, bon, ça c'est sûr. Oui, la championne Diva NXT, vous précisez bien sûr à ceux qui suivent NXT. Bon, faut pas vous en vouloir. Excusez. Oh là là, oui, de suite, oui. Non, non, c'est pas DDP, hein, c'est bien Paige de la famille Knight, la fameuse famille La famille anglaise, anglaise, ouais. évidemment. Un vrai phénomène, cette petite, elle va aller très très loin. Oui, c'est prévu, oui. Donc voilà. Pour conclure cette page diva, je crois, non? C'est bon. On peut Oui, passer normalement, quoi. à l'enfant chéri de Détroit. Rob Van Dam, qui était accompagné par Ricardo Rodriguez, qui est devenu son nouveau meilleur ami, et qui défiait Ouais. Alberto Del Rio, même si c'est plus trop dit ça comme ça, quoique si Lian Garcia le dit encore. pour le titre poids lourd et victoire de Rob Van Dam par disqualification après 13 minutes 07 parce que Ryu n'a pas pu lâcher la soumission dans le coin alors que il était complètement accroché au corps de Van Damme, il n'y a pas de problème. Bah, Del Rio évidemment conserve de ce fait le titre. Et puis un truc curieux quand même l'après-match aussi. Déjà bon le match en lui-même, mais l'après-match quand même, Van Damme met quand même KO Del Rio et puis Sandow ne vient pas du tout. Ça m'a un petit peu choqué. Donc un match il sentait peut-être pas prêt. Ça devient une habitude. Maintenant, je pense que la WWE veut pas non plus se précipiter sur Damien Sandow qui enchaîne les défaites en ce moment. Donc c'est pas non plus gravissime. Ouais, mais le match sinon en lui-même, tu as pensé quoi? Mais pas vraiment mauvais, ils font tous les deux spectacles, hein, mais encore une fois, je sais pas, Rob Van Damme contre Alberto Del Rio, c'est pas une affiche qui m'attire vraiment. Par contre, je vais faire mon mea culpa. J'avais dit quand on avait annoncé l'arrivée de Rob Van Damme pour Money in the Bank, Eh c'était oui, ben oui. pay-per-view. On avait dit, il faut attendre. C'est vrai que c'est un nouvel homme, mais par rapport à TN, donc. C'est voilà, j'avais dit des choses pas très très gentilles, comme quoi le type était cramé. Le type n'est pas non plus monstre de guerre, attention. C'est pas non plus le Rob Van Damme de 2006, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même du très bon niveau. C'est quand même meilleur que certains types qui sont en haut de la carte actuellement. Randy Orton. Right back. Il Oh. est pas en haut de la carte. Ça va pas tarder, mais bon. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Mais non, mais tout ça pour dire que voilà, je fais mon mea culpa. J'ai dit que c'était peut-être une mauvaise idée qu'il fallait. Mais bon, pour le moment, il me convainc. J'ai pas vu tous les matchs. Hein. J'ai vu que les matchs de pay-per-view de Rob Van Damme pour le moment et certains draws. Mais ouais, pour le moment, je suis assez convaincu par le bonhomme. Ah oui, d'accord. Mais Vincent, t'as pensé quoi de ton côté? Convaincu par Van Damme Alors déjà, moi j'étais étonné de Toi, voir tu que Rob détestes Van les Damme rabbits, a... tu sais bien, mais bon. Ah oui, par Oui. contre, un truc que j'ai pas compris, hein, parce que excusez-moi, je suis parti 2 mois, j'ai pas pu tout suivre non plus. Ricardo Rodriguez avec Rob Van Damme. What Oui. the fuck? Voilà, c'est tout. Van Damme a bien eu Alfonso dans les années 90, donc... Ouais, mais Ouais, puis c'est plus non. mis en face parce que Del Rio l'a détruit, donc voilà, c'est pas la même Ouais, mais comparaison. moi j'ai raté ça. Voilà. Bah oui, c'est vrai que là, Vincent, c'est pas une comparaison quand même, on n'est pas non plus dans un chaîne. Mais bon, voilà, toi tu pensais quoi du match alors? Oui, donc je disais, j'étais étonné de voir que Van Damme a combattu le vendredi et le samedi en off-show pour la 2-2, parce que bon, à son âge et puis vu son contrat, j'étais 42 assez ans étonné. et oui, le contrat d'ailleurs, petite précision, c'est 90 jours d'activité, 90 jours sans activité, ce qui veut dire que soit après Battleground, soit après l'Inocel, il va s'absenter pour 90 jours. 3 mois. Dans un sens, tant mieux, au moins il va nous revenir en forme pour la retour à Samania, quoi. Oui, voilà, bah ce sera pour ça. Oui, non, le match est plutôt correct, j'ai trouvé. Après, un peu à l'image du pay-per-view, je vais encore le dire, on s'en fout, quoi. Et le match est pas mauvais. Pour un pay-per-view, ça va, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Il y a quelques bons mouvements, ça va encore, mais c'est la routine pour les deux, quoi. Ouais, mais c'est vrai que moi aussi, enfin, le rythme il a commencé fort, mais ensuite il a descendu progressivement en fait, et puis c'est devenu un peu plus mou ensuite. Mais j'ai l'impression que c'est plus une baisse de rythme de Van Damme sur le coup, parce que Del Rio, bah, pour moi, c'est un des meilleurs matcheurs à WWE. Je sais que par ici, certains vont contester, mais pour moi, c'est un avis personnel. Oui, c'est un bon matcheur, mais le mec m'intéresse pas. Pour revenir vite fait sur le contrat de Rob Van Damme, je trouve que c'est une excellente idée de faire partir 3 mois juste avant de commencer le retour WrestleMania. Faut pas le cramer non plus, le bonhomme. Hein. Faut pas le cramer de suite. Là, il montre qu'il est à ce niveau-là. À mon avis, il sera challenger pour le titre poids lourd à WrestleMania et il pourra peut-être même gagner le titre à ce moment-là. S'il remporte un titre, c'est pas sûr, hein. Mais à mon avis, ça va se passer comme ça. Le type est revenu pour, à mon avis, avoir un title shot pour WrestleMania. C'est Oui, pour ça qu'il voilà. est revenu. Bon, après, dans l'immédiat, il aura la revanche à Battleground, vu que là, et que la disqualification, forcément, il aura le rematch, mais voilà, mais c'est normal, non? Oui. Ça va être, voilà. Puis après, on passera à autre chose. Mais bon, le titre poids lourd, comme d'habitude, toujours dans les teignoirs, c'est toujours pareil. Ben ça, c'est depuis que les deux choses s'unissent, quoi. Le titre poids lourd, il est passé comme il est limite, il a limite autant de valeur qu'un titre US en fait, maintenant. Oui, bah oui, remarque, bah il passe avant le titre US Oui, même. il passe Dans avant, il passe quand même avant. le pay-per-view, il passe avant. Donc après tout. Oui, c'est vrai. Voilà, un petit donc commentaire de ben, d'un autre intervenant, parce que Grégory Gourdou, qui a écrit sur le Facebook de Westos Radio, ben, on va le remercier parce qu'il a fait une analyse très très complète. Et son avis sur Del Rio contre Van Damme, c'est bon match en plus, chacun a eu sa période de domination, encore de bons moves de la part de RVD qui confirme son retour en forme à WWE. Fin de match prévisible avec Del Rio qui joue à disqualification, et donc on aura sûrement le droit à un rematch sans disqualification au prochain pay-per-view, dans 2 semaines maintenant, oui, déjà. Donc voilà, oui, c'était un peu, voilà. Donc, bah, c'est un peu tout le monde a le même avis, là, donc... Merci à Grégory pour son avis, et n'hésitez pas aussi à envoyer vos avis à chaque fois, à chaque pay-per-view, sur des, oui, voilà. Sur les grosses infos par mail. SummerSlam, ça faisait plaisir. Il y a beaucoup de gens. Ouais. C'est vrai que j'ai pu suivre ça sur Facebook. En effet, vous étiez nombreux cet été. On vous en remercie. N'hésitez même, quand même, n'hésitez pas aussi, dire vos pensées sur Raw. C'est pas parce qu'on poste pas de, forcément quelque chose, c'est pas parce qu'on poste pas quelque chose sur la page Facebook que vous avez pas le droit de dire ce que vous pensez sur un show. Attention, vous pouvez même nous parler de pay-per-view indépendant si vous avez envie d'en parler. On vous empêche pas. Au contraire, faites-le, ça nous encourage. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, sur le mur, tranquillement, oui. Ça y a pas de souci. Et donc, on va passer à la suite, la suite. La suite, oui, c'est un match entre The Miz, celui qui était le Lost de SummerSlam, et qui, ben, sans jeu de mots, ben, est un peu perdu, justement. Il a affronté Fandango, toujours accompagné par Summer, bien sûr. Il a gagné après 7 minutes 39, ben, sans grand suspense, et puis ben, je crois qu'un peu tout le monde s'est en moqué, forcément. Une rivalité qui traîne beaucoup et qui a continué à travers un dance-off assez complètement tragique que j'ai eu le malheur de voir, mais voilà. Ouais, SmackDown, voilà pourquoi je ne regarde pas SmackDown. Après, sinon, le match, bon, mais il est relativement correct par rapport aux forces à présence, parce que Fandango, voilà quoi. Les Miz, forcément, ben là, en plus, on le sait qu'après, ben, le lendemain en Raw, il est complètement mis au repos, alors lui, ben, il est complètement dans le trou, comme on dit. Ouais, mais il bide. Il bide. J'ai pas d'avis sur le match parce que c'était ma post-pipi. Ouais, comme beaucoup. Alors Vincent. Voilà. Oui, parce que les divas c'était trop rapide pour que je fasse ma pause pipi. Non, Fandango fait ce qu'il peut. Après le Miz, j'avais déjà du mal quand il était heel, alors en face encore plus, surtout depuis qu'il fait plus son host avec ses Miz TV et à SummerSlam que son rôle de catcher. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Miz TV. C'est pas plus mal. Ben dernier c'était avec Edge, je crois. Non. Non. Il n'y en a pas eu un avec... Ah non, c'était avec Daniel Bryan et Randy Orton, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça date, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont tué aussi le concept en le faisant à tous les shows. Donc, c'est aussi un truc. Ah oui, il y en avait même un main event. Donc, il y avait une overdose du Miz, donc là aussi, c'était... Dans ce genre-là, quoi. Toujours sa gueule et moins sur le ring, alors que bah il avait montré les progrès à une époque, et forcément, depuis, bah non. Mais sinon, t'as pensé autre chose du match éventuellement, Fandango, tout ça? J'avoue que je vois pas l'intérêt de faire un match entre les deux de 8 minutes, alors que on aurait pu en donner un peu, enfin, on aurait pu donner un peu plus de temps au main event ou un autre match important, quoi. Donc, Ah, il y avait un autre match important que le main event. Bah, par exemple, je sais pas, voilà, le match, enfin, 2-3 minutes en plus pour le match US, enfin, tu peux toujours rééquilibrer les forces, quoi. Ou par équipe, éventuellement, quoique, vu non, c'est bon. Non, enfin, vu, c'était le PTP, quoi. Tu peux pas mettre un match de 20 minutes avec le PTP, mais, non, mais enfin, voilà. Je vois pas l'intérêt d'entretenir cette rivalité. Mais, pourquoi pas, enfin. Mais voilà, ouais. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on va pas trop s'attarder non plus sur ce match qui avait pas vraiment de réel intérêt et qui va pas non plus, changer le futur, là, de WWE, dans l'immédiat, hein. C'est rien contre ces deux catchers, mais enfin, bon, en l'occurrence, voilà. Donc on peut passer sans problème à un match qui va faire beaucoup parler, d'ailleurs qui a fait beaucoup réagir quelqu'un sur Facebook, là je vais vous en parler dans quelques instants. C'était le fameux match sans disqualification, parce que Paul Heyman a un petit peu rouspété là lors du pré-show à Brad Maddox, il lui a dit bah moi je peux très bien être disqualifié par l'arbitre si je lui en mets une, et puis comme ça CM Punk peut pas me toucher sinon je porte plainte, et bah, du coup Maddox a dit bah pour le business bah on va faire sans disqualification. Dans le match à élimination, ben, ce qui fait que CM Punk a éliminé Curtis Axel par soumission. Ensuite, il a bien martyrisé Paul Heyman au point de le ligoter et tout ça, c'était de le menoter. C'était sans rappeler aussi ce qui s'était passé les semaines précédentes à Raw. Eh oui, mais ouais, bah oui, en plus, oui, c'est vrai. Mais ça, on l'attendait, évidemment, bien sûr. Oui. Bon, ce qu'on attendait. Ouf. Oui, si, on l'attendait. On On l'attendait, monsieur. l'attendait. Non, j'avoue que que l'homme qui allait aider Ayman, faut être honnête, oui. Tout le monde s'y attendait, honnêtement. Enfin, vous donnerez peut-être votre avis après, quand vous écouterez le podcast, mais bon, voir débarquer Ryback, c'était pas forcément. Si, c'était une bonne idée, monsieur. Non, c'était pas forcément illogique, j'ai dit, voilà, c'est tout. Et il a aidé donc et défoncé CM Punk qui est un peu blessé d'ailleurs. Le match a duré 15 minutes 22 au total. Victoire donc de Paul Heyman en fait, qui tel un poisson a été glissé sur CM Punk et puis ensuite se retrouve en chaise roulante. Mais avant d'avoir les avis, un avis très très passionné de Sébastien. Sébastien qui n'est pas là ce soir évidemment, le podcast. Il a dit, à l'instant où j'ai vu comment la table était positionnée, j'étais sûr que Ryback allait intervenir pour exploser CM Punk à travers. Mais contrairement à beaucoup de monde, je trouve que l'association Ryback-Heyman est vraiment une bonne idée. Ryback, avec un manager de qualité comme Paul Heyman, peut vraiment trouver le supplément qui lui manquait pour en faire un vrai main eventer heel. L'association me plaît beaucoup. Ceux qui sont déçus de ce choix ont trop lu les rumeurs sur Internet. Voilà. Donc, Vincent, t'as pensé quoi éventuellement de cet avis de Sébastien, si t'es du même avis, et du match en général? Bon, j'avoue que l'intervention de Ryback, j'attendais pas forcément. Enfin, je savais que ça allait pas se terminer clean, forcément, parce que voir une victoire de Punk facilement contre Curtis Axel, ça aurait pas été très bon pour la popularité de Curtis Axel. Mais j'avoue que j'en attendais pas grand-chose de ce match. Et puis finalement, ça était plutôt bon, grâce à Punk et aussi grâce à Axel. Et je trouve que c'est un match plutôt bon pour ce qu'on a. Pour les attentes qu'on en avait, quoi. Ah, toi, t'avais les attentes assez basses, alors. Oui, bah, Punk donne toujours de Oui, bonnes bon, après, c'est prestations, vrai mais que... j'avoue que dans un match comme ça, handicap, bon, c'était pas Oui, c'est vrai. forcément. Ah, c'est vrai que Curtis Axel, en plus, sachant qu'en plus, il avait fait près d'un quart d'heure au début du show, Oui, en c'était pas plus. évident. Hein. C'est Pas pas la quelqu'un pour configuration sa carrière. qu'on préfère, quoi. Ouais, mais bon, petit avis de Grégory Gourdou, donc, qui a dit match agréable à suivre avec un Punk, encore une fois, à la hauteur de l'événement. J'aime bien comment il joue à le public. Axel s'est plutôt bien débrouillé aussi dans le ring, sachant que ce fut son deuxième match de la soirée. Heyman joue encore très bien son rôle comme d'hab. Et il attend un nouveau Paul Heyman guy venant encore de NXT, mais finalement, il attendait, je veux dire, plutôt un Paul Heyman guy Ça aurait venant dû être Sylvester de Lefort, le Paul Heyman guy. Ouais. Mais finalement, Ryback devrait être la bonne solution pour le relancer en haut de la carte, puis le diriger, pourquoi pas, vers un titre poids lourd. À mon avis, il y en a un qui T'imagines? va frétiller quand il entend tout ça, là, tous ses avis. Ah, Ouh The Main Event, c'est Gus. là là! Il y a un an, d'ailleurs, il y a un an, jour pour jour, il était dans Quasiment, ouais. il affrontait CM Punk déjà. Hein. Pour le titre de Là, la WWE à l'époque. tout est inversé. À l'époque, CM Punk était Mais associé tu à vois, Man et puis. et ben tu sais quoi, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Alors moi j'ai joui, hein, vous en doutez tous. J'ai joui, j'ai changé de pantalon quand j'ai vu Ryback faire ce spinebuster à travers la table. J'ai kiffé forcément. Je me suis dit, oh yeah, il remonte, ça y est, alors que tout le monde l'enterrait. Ouais, trop cool. Finalement j'étais content. Ryback est pas mort. Ryback est même en lice pour devenir un futur champion du monde cette fois-ci. C'est pour de bon, messieurs. Voilà. On J'ai verra. fait taire des mauvaises langues. Et puis bon, t'imagines, ça aurait été Sin Cara qui aurait débarqué pour Oh, ça y est. Ah, mais c'est là qu'on parle de Sin Cara. C'est maintenant qu'on parle de Sin Cara. J'ai trouvé la forme. Oh, oui. Oh, ça aurait été réaliste, n'empêche. Surtout après, j'imagine bien Sin Cara dire, bah, moi, Après, c'est il pour enlève son défendre un masque. être humain et puis. Ouais, non, mais t'imagines, après, il enlève son masque. En fait, je m'appelle pas Sin Cara. J'ai un visage. Oh ben ça, la Pardon. TNA, tu sais, ils l'ont déjà fait avec un personnage masqué récemment, hein, pour le petit aparté. Donc après Ah, tout, c'était oui, le lequel? personnage de Suicide, Funky Non, Devenu. ils l'ont démasqué? Oui, ben Mais quelle complètement. bande de cons! Oui, bon bref, c'était l'aparté TNA. Et puis voilà. Ben moi le match, ben moi j'ai bien aimé la période de Curtis Axel CM Punk. Ben honnêtement, pour moi Curtis Axel s'y passait un test à mon avis quand même à l'occasion. Après pas mal de défaites hein, ces derniers temps, ben même si là il s'est pris la soumission, ben il a quand même bien tenu la dragée haute face à CM Punk. Bon en même temps, c'est sûr que voilà, comme vous l'avez dit, c'est quand même un super matcheur CM Punk, donc après tout voilà, c'est normal. Et après, ben, il joue bien quand même le rôle, les regards qu'il a eu pile au moment après que Curtis Axel a été soumis. Le regard de dingue de CM Punk et puis les gros yeux de Paul Heyman. Oh, c'était énorme ça. Ah, moi j'adore toujours le regard. Alors Paul Heyman dans les attitudes, c'est vrai, comme le dit Grégory, c'est vraiment énorme, ça toujours, hein, Paul Heyman. Et puis évidemment, bah, Paul Heyman est un j'étais monstre. sûr qu'on allait le voir. Mais ouais, il est amoureux de Ryback, ça par contre. Paul Heyman est un monstre de charisme. Ouais, mais le problème c'est que il est amoureux de Ryback là maintenant. Oui, bah non, on l'a abandonné l'idée. Ouais, mais écoute, à Raw, moi, il y a une image qui me choque. Le lendemain, c'est quand même qui nous fait un suçon. Mais il fait vraiment, Susan? Vraiment, vraiment. Bah, et en tout cas, c'est très suggéré, quoi. Non, vraiment, très, très suggéré. Dans la table des commentateurs, ils en parlaient tout. Donc voilà. Donc Non voilà. Mais mais, bon, non, mais la après ça, WWE, dans quand même, l'intrigue, tu c'est fort. vois. Hein. C'est sûr que ça aide Ah Cody Saxel, hein, parce qu'il a Ryback derrière lui qui peut l'aider à gagner ses matchs comme oui. il l'a fait N'empêche que, je vais te dire un truc, faire tu avec. vois que la WWE veut surfer sur la vague d'Aaron Young avec l'homosexualité. Bah peut-être, c'est vrai que là sur le coup, oui, avec le personnage de Paul Heyman qui vire un peu avec Ryback, c'est un peu curieux, c'est à voir ensuite. Et un discours Bientôt, bizarre il va plus. avec Ryback qui est toujours bizarre. C'est que Ryback, bientôt, il dira plus feed me more, il va dire feed me dick. Non mais en plus il le dit plus depuis un moment, ça je sais pas si t'as. Ah ben en même Oui, je sais, mais temps. Maintenant il est toujours sur les Ryback Bruce. c'était pour faire une boutade, monsieur. Elle était ratée. Et alors? Ah oui. Non maintenant il dit tout le temps je suis une brute et je non. Non, je suis pas une brute et je déteste les brutes. Donc du coup moi j'en ai appris les brutes. Donc voilà, après on sait que à Battleground, ben, en plus il est à l'affiche de Pay-Per-View, mais ça veut pas dire qu'il fera le main event, ça a jamais été le cas, sachant que R-Truth qui est quand même à l'affiche de Hell in a Cell. Partrousse. voilà, bah défense. Mais voilà, bon, mais sinon voilà. Après, on va voir les progrès justement d'un an sur l'autre, parce que d'une année sur l'autre, parce qu'autant Gus, tu devais être à peu près le seul à avoir apprécié les matchs entre eux l'année dernière, je crois. Lequel Ryback Punk? Ah oui, évidemment. J'ai pas dit que j'avais apprécié non plus, faut pas être. Je suis Non, pas non bah plus. Je attention, il y a apprécié et ensuite il y a adoré. J'ai pas dit que t'as adoré non plus. Ah voilà, oui, Apprécié, forcément, c'est j'ai bien vu le aimé. niveau, vu le niveau in-ring de Ryback, c'était pas non plus dégueulasse. C'est ça que j'avais dit. Voilà, oui, bah oui, voilà. Que je vous avais trouvé dur. Oui, Parce bah que oui. c'était le premier main event de Ryback. Moi perso, tu sais, moi j'ai toujours un peu un a priori. J'attends de voir encore, j'ai jamais vu disputer encore un vrai match. Voilà. Ah, putain, les matchs contre Cena, arrête. Ouais. Bon. Arrête, attends, non, attends. Enfin, Attends, non, on va pas quand trop même, y revenir, mais moi j'avais non. déjà donné mon avis que moi Non, mais j'étais très séduit par le rythme, c'est tout. Voilà. Ah ouais, non, mais attends, moi, le match en last man standing, je l'ai trouvé excellent. Moi, je lui ai donné un 4 étoiles à ce match-là. Oui, bon après c'est des avis personnels. Ah, Moi moi, ce match-là, en tout je cas, pense je l'ai qu'en tout cas, trouvé excellent. Pas parce que bah, c'est Ryback. y en a qui peuvent pas se piffrer Del Rio, alors que moi je trouve c'est un bon match-up. Ben, moi tu vois, voilà, moi Ryback, j'ai ça trouve. Voilà, après c'est un avis personnel et puis voilà. Après tant mieux, hein, s'il fait un gros match à Battleground et ensuite à Hell in a Cell, voilà. Et tout va dépendre de la santé de CM Punk aussi, parce que pareil qu'il lutte un peu blessé, mais bon, après les rumeurs d'internet, je m'en méfie toujours moi. Punk c'est punk en même temps, hein, donc voilà. Oui. Mais donc voilà. Moi, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter éventuellement sur ce match? Sinon après on passe à la demi-heure The Shield. Pas à demi-heure de podcast sur The Shield, à la demi-heure de pay-per-view The Shield. Non, bon alors on peut partir sur le titre des États-Unis avec Dean Ambrose qui affrontait Dolph Ziggler. Voilà, t'en parlais tout à l'heure Gus. Ben Dean Ambrose ben sorti vainqueur clean pour une fois. Pas de disqualification. Et non. Bon. Il a conservé après 9 minutes 37. Voilà. En même temps, Dolph Ziggler, il est tellement dans un état de merde en ce moment que forcément, Dean Ambrose pouvait gagner que clean ce match-là. Ben ouais, non. Et puis Dean Ambrose, quand même, il est mis assez fort parce que depuis qu'il est. Ben, que The Shield est rentré dans la coalition Triple H. D'ailleurs, ils servent à quoi dans la coalition Triple H? Ben, les Enforcers, c'est-à-dire. Ouais, donc ils servent à rien. C'est quoi, ouais. Ben, les chaînes gardes, quoi, voilà. Ouais, donc ils servent à rien, c'est ce que je dis. Oh bah ça dépend, hein, faut voir. Non, parce qu'il y a personne qui, pour le moment, il y a personne qui ose venir. Mais La justement, personne, ouais, c'est voilà. l'identité, donc Ah voilà. ouais, non, mais tu veux que c'est qui vienne aider Brian? Zack Ryder? Ah oui, merde, ça fait Non, mais il y en a d'autres. question. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, hein, qui peuvent. Oui, bah oui, du coup, oui, mais ça va annoncer pour les Survivor Series, ça c'est sûr. Oui, Mais voilà. bon, moi, je suis pas. J'aurais préféré qu'on en fasse autre chose de The Shield, tu vois, pas en garde de, pas en chien de garde comme ça, Bah, The pour Shield, c'est vrai qu'ils dansent un peu au milieu parce qu'ils ont fait longtemps invaincus, tout ça, qu'ils battaient tout le monde. Depuis maintenant, ils perdent souvent des matchs d'ailleurs. Et même le lendemain, Ambrose avait perdu contre Ziggler. Donc on sait pas trop même où ça veut aller entre les deux, parce que limite si Ziggler va pas avoir un rematch du coup pour le titre US, sauf qu'il a perdu clean là. Ils ont déjà fait ça il y a pas longtemps avec d'autres titres, donc Oui, je me même dis avec le titre WWE, ils l'ont déjà fait encore ça. patiné entre les deux, voilà, pour le titre US. Après le match, il est correct. Moi j'attendais sensiblement beaucoup plus. Compte tenu des forces en présence, Ziggler excellent matcheur, Ambrose aussi qui tient très bien, et puis dans les attitudes aussi, mais là le rythme était pas terrible j'ai trouvé. Pas très très rythmé j'ai trouvé, c'était pas un Non, sentiment tu... assez bizarre, j'ai l'impression qu'ils Ouais. donnent pas tout, donc c'est pour ça peut-être qu'ils doivent un combat revanche. Ouais, non, mais moi ce qui m'embête, ça reste quand même le cas Ziggler, quoi, parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, faut vraiment qu'il fasse un coming out pour s'il veut revenir au top, parce que pour le moment, Après je sais pas, oui, c'est sur le pas papier, comme dit Renaud sur le Ziggler, chat, c'est vrai Ziggler que Ambrose, c'est un dream non, mais match, quoi. Ziggler en plus il a eu ce que il a peut-être eu du mal à avoir avant, c'est-à-dire les réactions de la foule tout le temps derrière lui, voilà, il a ce qu'il faut quoi pour monter, donc ouais. Ouais, mais il ouvre trop sa gueule. Ouais, peut-être aussi, mais après Il ouvre trop sa gueule. Il on est ouvre dans trop le sa gueule. préfab ou pas, je sais pas, mais bon, c'est à voir, mais bon. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent, du cas Ziggler et du match. En parlant de la foule, elle était bien merdique ce soir-là, mais bon. Les trois, c'est pas non plus connu, énorme, hein. En plus, ils sont en faillite, alors voilà. Enfin, ça, c'est pas Parce que dangereux, ils sont en justement, en faillite. fait, je te le dis, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils venaient de payer beaucoup trop d'impôts. Donc, tu vois, les fans n'étaient pas trop là pour crier. Bon, enfin bon. Non, moi, je vous trouve un peu dur sur le match, il est pas si mauvais que ça. Après, c'est sûr que, vu que c'est Ambrose Moi, contre je Ziggler, le on en juge entend beaucoup moyen, plus, personnellement. mais. Non, moi, j'ai bien aimé quand même, il y a un bon petit rythme. C'est loin d'être mauvais, quoi. Bon, après, c'est sûr que quand c'est Ziggler et Ambrose, parce que c'est les deux meilleurs vendeurs de la 2-2, forcément, on en attend plus, quoi. Mais je trouve que c'est un match qui est pas si mal que ça, quoi. Eh oui, bon, Gus dit sur le papier, c'est vrai, ça peut être du main event. D'ailleurs, à l'avenir, ce serait pas à cracher dessus. Et à monter. Et d'ailleurs, Grégory Bourdou, mixe vos deux réactions en fait, parce qu'il dit bon petit match entre les deux lutteurs, là, ce que t'as dit Vincent. Ambrose qui gagne enfin sans une intervention de ses potes, mais franchement, Ziggler n'avait rien à faire dans ce match. Un dépouche total pour le show-off. La WWE n'aime pas ceux qui parlent beaucoup, comme disait Gus. Donc voilà, c'est bien, il a tout regroupé comme ça. Une synthèse générale. C'était une synthèse, ouais, voilà. J'allais dire. Et merci encore d'ailleurs pour cette réaction, ma foi, bien complète du coup. Donc, on peut passer à la suite, je pense, toujours à The Shield sans transition. Au moins, le truc pratique, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de déclencher spécialement une intro spéciale, parce qu'à chaque fois, les matchs s'enchaînent. C'est-à-dire que les deux, ils viennent féliciter la Roman Reigns et Seth Rollins, ils viennent féliciter Dean Ambrose, et du coup, ils attendent leur match. Et là, pour étude par équipe, ils affrontaient du coup les prime time players, c'est-à-dire Darren Young et Titus O'Neil. Ils les ont battus après 6 minutes 59 secondes. Voilà, donc qu'en as-tu pensé, Vincent? Je trouve qu'il y avait pas mal de botch dans ce match. J'ai pas trop aimé le rythme. Les PTP sont encore assez limités pour moi, même s'ils sont plus over qu'à une certaine époque. Mais non, c'est un match à éviter. Ouais, moi j'ai pas trop à en dire grand chose parce que c'était un match basique qu'on aurait pu voir en haut. Déjà la longueur est pas énorme, donc voilà, et puis le résultat était couru d'avance, bien sûr. Je sais pas ce que t'en penses, Gus. Bah tu vois, comme quoi être PD, ça fait pas remporter des titres. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est pas l'accès immédiat, c'est sûr. Mais voilà. Bon, mais sur ce, on va passer au main event Non, bon, non, avec. pour dire quand même, si les Pretend Players auraient gagné, ça aurait été injuste quand même pour The Shield. Voilà, c'est tout. Oui, un peu, ça aurait été bizarre. Oui. Très très bizarre. Enfin, donc, on peut passer au main event pour le titre de la WWE entre Randy Orton On et l'a pas Daniel déjà Bryan. fait? Ah non, c'est Vincent qui Non, l'a. non, d'ailleurs, je crois qu'il va enchaîner sur le match ensuite. Hein. Et la victoire de Daniel Bryan. Yes, yes, yes, après 17 Qu'est-ce minutes que et j'ai bandé moi quand j'ai vu ça, mais qu'est-ce que j'ai avec débandé le lendemain, putain. un compte rapide, bon, on y viendra après sur l'après-match, mais le match en lui-même, Vincent. J'ai trouvé que pour un main event, on aurait pu avoir beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Bordel de merde. Le match, je le trouve assez court. Après, est-ce qu'ils ont voulu faire un match pas trop long pour nous mettre un gros bon match à Battleground? Si c'est ça, je trouve que c'est pas une bonne idée. En plus, en cours de show, il y a Randy Orton qui vient voir Triple H qui dit, mais pourquoi tu ne veux pas d'intervention de ce Shield ou de Big Show, j'ai perdu mon titre. Et Triple H répond, je veux que tu me montres que on a bien fait de te choisir comme le visage de la 2-2. Et moi, je trouve que le match est pas spécialement bon. La fin me dérange pas, puisqu'il y a un segment qui suit Arrow qui met le titre vacant, ce qui est assez logique. Donc, j'en attendais plus, j'attendais un match plus long. Orton, je trouve qu'il n'a pas encore retrouvé son niveau de 2009, où il était super en top heel. Là, j'ai trouvé que c'était assez. Bah, c'était bon, quoi, parce que forcément, il y a Bryan, mais j'en attendais beaucoup plus, quoi. Ben ouais, pareil. Mais en fait, il y a un paramètre qui me dérange un petit peu. On en avait beaucoup parlé là le week-end. C'est que il y a eu donc plusieurs house shows de la WWE les 2 soirs précédents. Et Daniel Bryan a lutté lors des 2 autres shows et Randy Orton était bien au repos. Donc Randy Orton, on pouvait s'attendre à ce qu'il quand même ben, sorte la sauce. D'ailleurs, lui-même, il avait un peu annoncé dans une interview avant, je peux faire 20, 30, 40 minutes même contre Bryan, n'a pas de problème. En fait, sauf pour moi, ben, j'ai pas trouvé qu'il était dans le rythme. Ben, déjà que lui est pas réputé rapide, ben, là j'ai trouvé vraiment lent comme d'habitude. C'est-à-dire, ben, on aurait dit qu'il avait lutté lors des 2 soirées précédentes, en fait. Alors que c'était pas le cas, ça m'a un peu gêné. Là, c'était le mauvais Randy Orton, je dirais. Celui qui, même contre Bryan, n'arrive pas à fournir la prestation majuscule. Et là, à la comparaison un mois après. Bah avec Cena, bah il n'y a pas photo quoi, c'est ça le truc qui fait un peu mal à Randy Orton. Bah, surtout qu'il perd bah, de façon voilà quand même relativement clean. Façon clean. Et voilà, après on y reviendra, mais le match en lui-même, Gus, t'as pensé quoi? Le match en lui-même était à deux visages. On a vu des bonnes choses comme des moins bonnes. Ce que je peux y reprocher, c'est comme vous avez déjà dit, Randy Orton, vraiment très très très très lent. Il y a pas mis du sien dans ce match en fait. J'ai trouvé aussi très répétitif parce que l'étopé suicida. De Daniel Bryan, à force, le topé suicida va devenir une prise trop ordinaire, et à chaque fois quand on va la voir, maintenant, quand on voit une topé suicida à la WWE, on fait, bon, ouais, ok, d'accord. Ah oui, non, non, ouais, non, mais moi, ça va pas déranger perso, ferme, parce que Ouais, quand mais Brian, non, il mais sort quand ses je veux silences de dire. rythme, ça dynamise. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais quand on fait 4 à l'affilée, ça fait beaucoup. Pareil, quand il court vers le coin opposé, qui se fait rebondir avec et qui enchaîne sur un missile dropkick en courant, c'est pareil. On l'a vu 3-4 fois à l'affilée, c'est pareil. Trop de répétitions, j'ai trouvé dans ce match. C'est vraiment dommage parce que je m'attendais quand même à mieux, mais c'est vrai que Randy Orton, on peut pas dire non plus que Randy Orton parce que bon, le mec est. Voilà quoi. Le mec il met pas du sien. On dirait qu'il a un titre, mais on dirait que ça lui a pas plu de l'avoir avec le Money in the Bank en fait. Il aurait Après, préféré l'avoir avec autre chose. Andy Orton, on le sait, il fait c'est pas un peu pour cracher, rien du tout, mais des fois il en fait un peu à sa tête. Alors peut-être que, comme il savait à l'avance Ah. qu'il allait perdre le titre, est-ce que inconsciemment ça lui a fait faire une performance pas au-dessus du lot? Alors que peut-être que s'il avait su qu'il conserverait le titre, il aurait peut-être envoyé plus, j'en sais rien. C'est vrai que là je spécule, et vraiment, Oui, non, mais faut pas non c'est. plus spéculer, s'imaginer des choses, parce que sinon on n'a pas fini, mais non, moi ce match-là m'a pas non plus, m'a pas emballé, c'était le main event. Je l'attendais vraiment ce match. Pour dire que je l'attendais, c'est que j'étais même prêt à acheter le pay-per-view juste pour voir le match. Mais putain, je me suis fait chier, il aurait peut-être fallu une intervention, ouais. Ben ouais, peut-être, Il mais. aurait vraiment sûrement fallu une intervention, parce que ça aurait peut-être animé le combat. Je suis pas sûr. Moi, franchement, je vais pas te mentir, j'aurais préféré une intervention et un temps du Big Show plutôt que de voir ce que j'ai eu. Non, ça aurait fait trop de choses avec en plus se tomber de la fin. Hein. Ça aurait fait trop de overbooking. Mais en De fait, tomber de la fin, mais non, mais Brian n'aurait pas gagné. il aurait pu avoir les interventions, à mon avis, s'il y avait pas eu Battleground après, s'il y avait eu Non, directement mais. celle, je pense que là, il y aurait eu des interventions. Non mais déjà que certains fans se sont plaints auprès de leur comment Ouais, alors ça ça c'est c'est de de leur l'extra. opérateur pour se Ça, faire se voit, rembourser. non, mais ça c'est des petits chieurs, ça faut Oui, arrêter un petit non. peu, ça Non mais c'est. je veux dire déjà que la fin n'a pas plu, alors si en plus tu mets un truc pour en fin de pay-per-view, Big Show qui intervient, je suis Ouais, pas mais sûr que voilà, ça mais soit. là, la fin du show, elle aurait été validée. Parce qu'ils ont été remboursés justement parce que la fin du show n'avait pas été validée par la WWE elle-même au final, parce que Triple H retire le titre le lendemain à Daniel Bryan. Ouais, Ça, mais enfin, j'étais dingue au fond de moi, ah, putain. d'ailleurs, Ça, c'est attendez, là, scripté, quoi. Faut arrêter un peu aussi, hein. oui, bah d'ailleurs, avant d'y passer, là, la réaction de Grégory qui dit bon match surtout grâce encore une fois au dynamisme à fougue de Bryan. Heureusement qu'il est là en ce moment, il est clairement au sommet de sa carrière depuis quelques mois. J'étais surprise quand même avec l'American Dragon récupère le titre grâce à un face plant de l'arbitre. Bah, d'ailleurs, voilà, bah, on va y rebondir de suite, d'ailleurs, du coup. Ah oui, c'est forcément, on le savait, là, ce qui, bah, et Arrow, ça débouche sur le renvoi de Scott Armstrong. Ah, mais il s'est fait virer, du coup, parce que, du coup, j'ai rien compris, moi. Bah, dans la story, oui, et de toute façon. Hein, Triple H, il lui a dit, on va te verser les indemnités, je vais prendre soin de toi, mais voilà, quoi. Tu te barres. Donc, oui, voilà, bah oui. Donc, et puis, le titre est laissé vacant. Bah, jusqu'à Battleground, on le sait depuis Main Event dans une interview, sur le site de la WWE, Triple H a dit que Randy Orton et Daniel Bryan se disputeront le titre à Battleground, c'est-à-dire. Ouais, à Main Event, ils ont annoncé ça, quoi. Oui. Et oui, WWE, ouais. Putain, Monday Night Raw, ça existe. Non, mais après le déroulé, bah, ils voulaient pas trop faire un suivant. On était sous le choc, on était sur un nouveau Randy Orton, un petit peu, enfin, nouveau. Ancien nouveau, c'était qui était demandé plus vicieux, voilà. Ouais, mais au final, tu vois, Randy Orton, c'est juste une tête de tueur, quoi. Enfin, dans les stories, c'est ce que je me rends compte. Parce qu'au final, il fait rien. C'est pas lui qui fait avec Bryan. Lui, il est juste là pour avoir la ceinture et matcher. En même temps, du coup, la story, elle a rien à voir avec Orton, quasiment. Tout le mois qui venait précédemment, tous les témoins d'Ay Bryan, même, il le disait. Et puis après, Edge, évidemment, la semaine avant le pay-per-view, disait bien, bah, t'es la marionnette de Triple H. C'est lui qui tire les fils derrière, c'est ça, oui, évidemment. Ah, et Stéphanie McMahon, évidemment. Elle, par contre, tu vois, je kiffe tous les McMahon, mais elle, j'arrive pas. C'était d'élite sale gueule, j'arrive pas avec Stéphanie. Ouais, bon, non, mais après, oui, c'est vrai, elle est dans la story avec le Big Show, tout non, ça. Mais sans forcément de story, je sais pas, j'ai du mal. J'arrive pas. Mais voilà, après, je sais pas, est-ce qu'il y a des avis particuliers sur ça. Après, c'était hyper prévisible, de toute façon, que ça a l'air. Oui, bah. Dans ma tête, je voulais pas y penser, mais putain, mais parce que j'étais trop content et que voilà, mais que bon, ça s'est passé. Enfin bref. Ouais, ouais. Bah alors, on va pouvoir passer aux notes, je pense, sur 10. J'espère qu'elles sont bien prêtes parce qu'on va y aller. Ouais. Avec Vincent. 4. Je suis peut-être méchant, mais on en avait rien à foutre sur Super View, quoi. Enfin, voilà, il y a quelques modes qui sont pas mauvais, même plutôt corrects. Le main event t'es pas mauvais non plus, mais y a rien de transcendant, y a rien qui nous fait bander, quoi. Bah ta note alors, Gus, sur 10. Ma note, moi franchement, c'était plutôt un petit 4. Un petit 4 comme Vincent a bien résumé la chose. J'avais pas vraiment d'attente sur ce pay-per-view mis à part le main event, et ma seule attente, elle a été gâchée, quoi. Je me suis un petit peu ennuyé pendant le main event, j'étais très déçu. Après, bon, on a vu quand même du bon, hein, le RVD contre le ADR, comme il va falloir l'appeler dans les jours à venir apparemment, était vraiment bon. C'est peut-être limite le show stealer de la soirée, et encore, c'était même pas un 4 étoiles match, quoi. C'était même pas un match à 4 étoiles, et pour dire, c'était pas non plus un match de rêve. Ouais, ouais. Ah, et bah, le pay-per-view était quand même moyen, j'ai trouvé, sur la mise en place, sur le comment ils ont vendu la chose. Non, j'étais très très très déçu par ce Night of Champions. Rappelons quand même, l'année dernière, Night of Champions avait été candidat au pay-per-view de l'année. Eh oui, mais d'une année sur l'autre, Night of Champions, ouais. 2011 était très mauvais. Je me rappelle. Ah oui, bien. Oh là là, une purge. Celui 2012, il était vraiment excellent. Celui 2013, il est moyen. Ben moi perso, d'ailleurs, je vais y mettre un 5. C'est historique parce que d'habitude, c'est moi qui note le moins bien là depuis quelques temps. Non, c'est moi qui parce que j'étais pas là. C'était parce que j'étais parti. Ça. Oui, c'est vrai. Ça s'était remarqué peut-être par rapport. Ben, c'est vrai. Oui, j'étais seul au monde. Et du coup, ben ouais, 5 parce que ça restait correct. Hein. C'était pas très enflammé, c'est sûr, zéro surprise. Mais bon, disons que allez, je prime la qualité in-ring. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse dans un pay-per-view. Après, il y a le sel, c'est sûr qu'il manque. On est très très en dessous de SummerSlam, il n'y a pas photo. Vaut mieux pas comparer, d'ailleurs, un pay-per-view très indépendant en général de notre, donc à partir de là. Je trouve logique. T'as un petit avis de Grégory encore, là, qui lui a trouvé ce pay-per-view en dessous des deux derniers, avec les résultats de celui-ci. Cela promet encore de belles choses pour la suite. Malgré tout, le pay-per-view au Battleground arrive déjà dans 2 semaines et ça sent les rematchs et le réchauffé. Le Hell in a Cell en fin de mois prochain va être beaucoup plus intéressant. Bon, il se projette déjà pas mal sur le prochain numéro qu'on fera. Alors la moyenne, elle est de 4,33. Ouf, c'est deux fois moins que SummerSlam. Ouais, mais en même temps, c'était deux fois moins, c'était quand même deux fois moins. Mais t'imagines le truc quand même, je suis parti avec dans la tête, je suis parti avec Payback, qui était bien mauvais quand même, faut le rappeler. Et je reviens avec Night of Champions, qui est aussi quand même assez mauvais. Bon, ben alors, à la prochaine. Merde! Ah, ciao! Le pire, c'est que les pay-per-views de cet été étaient bons, quoi. Mais écoute, tu reviendras après WrestleMania, je pense. Ce sera C'est bien. ça. Mais voilà, bon, ben, quand même, on conclut, c'est sûr, sur une note très très moyenne, On peut même ce conclure maintenant, podcast. on a déjà parlé de Sin Cara, donc Oui, voilà. Ah, si, allez. Un petit truc, allez, je te laisse, Gus, la minute violon, Ted DiBiase. Oh, je suis revenu de enfin de vacances. Je suis revenu du Gros du Roi le jour, 1 heure après que j'arrive chez moi, je me connecte à Internet. J'ai vu une news sur www.com. Il va pas prolonger. Bon, c'est quand même mieux parce qu'il va affronter Colt Cabana à la FWE dans 1 mois, donc ça me va très bien en fait. Au moins, il va Oui, pouvoir catcher. il vaut mieux que d'aller à la pêche avec Ezekiel Jackson, JTG, David Otunga, Evan Bourne, tout ça, tous ces gars qui peuvent catcher d'ailleurs. Et Rey Mysterio qui est annoncé de retour dans un autre show, mais bon, c'était déjà le cas le mois dernier et en fait il n'avait Oui. pas lutté donc. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour toi, Gus, pour avoir Ted DiBiase Sur sur une plateforme. l'émission Chasse et Pêche la nuit sur TF1. Quel bâtard! Oui, l'autre jour il avait pêché 6 poissons. Oui, donc voilà. On peut passer au partenaire sur ce dossier Ted DiBiase. Avec la Headshot. Well, tiens, je vais commencer par la Well. Gus, t'as quelques précisions à apporter, je pense. Oui. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site www.wrestlingevolutionleague.com. D'ailleurs, si vous voulez participer à l'IFED, ce sont les derniers mois de l'IFED. Donc, s'ils vous acceptent encore, chose que je ne suis pas sûr, hein, parce que c'est la fin de saison et qu'ils sont en grande pompe pour préparer la saison 6. Saison 6 qui ne sera plus exclusivement sur WWE 2K14. Attention, parce qu'il y aura de la nouveauté, beaucoup de nouveautés dans cette saison 6. Vous aurez donc le choix entre faire beaucoup de parties, donc une section vraiment basée IFED sur WWE 2K14, ça ne change pas. Il y aura des tournois FIFA 14. Et attention, parce que ça c'est la grosse nouveauté qui arrivera le 1er octobre sur PS3 et sur Xbox Live. Parce qu'ils vont ouvrir le mode online du nouveau jeu GTA V. Ce qu'ils veulent faire aussi, ce serait faire un gang Wrestling Evolution League. Et ils misent aussi beaucoup là-dessus. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la WL n'est plus exclusif à WWE 2K14. D'accord. Ouais. Ah ben d'ailleurs, en parlant du jeu, il va sortir officiellement le 29 octobre. Qui sortira le 1er novembre, j'ai vu moi. Ah, moi j'ai vu 29. Donc Je on vais aller verra. vérifier ma Après, il y a source. 29 aux Le 29, USA, c'est aux peut-être. États-Unis, voilà. Voilà, Donc, mise au 29 clair, aux c'est États-Unis. chez nous. Mais je C'est pense qu'il y a 30 moyen de novembre, l'avoir je le pense. 29 parce que parfois il y a des Oui, trucs comme ça oui, qui proposent 1 ou 2 jours avant la sortie, donc c'est possible. oui. Oui, non, mais c'est toujours, même ceux qui précommandent, généralement, ça arrive qu'ils reçoivent 3 jours avant, donc c'est Oui, pas. voilà, c'est pour ça le 29, à mon avis, ça me semble une date de Oui, lancement. voilà, c'est possible qu'il y en ait un qui est le 29, c'est même fort probable, j'ai envie de te dire. Donc, c'est pas gênant. Bon, d'ici là, on vous le rappellera, pardon, parce qu'il y aura Oui, d'autres d'ailleurs, ouais, il y aura encore deux pay-per-view, je crois, avant l'ouverture de la Et oui. saison 6. Et Donc oui. là, c'est juste un petit avant-goût. On essaiera d'avoir un membre du staff du forum Wrestling Evolution League pour qu'il vous donne un peu plus de précision quand même. Parce Et que oui. je ne suis Un pas non numéro plus dans les petits papiers. dans 3 semaines maintenant, voilà. Ouais. Mais on va poursuivre la liste des partenaires avec FN Lutte, Catchesium, Instant Catch. Alors avec Vincent, on a commenté un match seulement de Night of Champions. C'était le match entre Randy Orton et Daniel Bryan. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Instant Catch sur Facebook et Et Twitter. Twitter. Sur Ouais. Dailymotion aussi. Comme ça, Oui, vous aurez la il chaîne faut Dailymotion, abonner bien sa sûr. chaîne. Ouais. Abonnez-vous à ma chaîne aussi. Oui, voilà, chacun ses chaînes. Juste tirer du Bavox Catch. Comme ça D'ailleurs, on te va fait une parler sans transition. transition, de la chaîne YouTube de Wessos Radio, bien sûr. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous retrouver sur archive.org. Vous pouvez nous joindre soit sur le compte Facebook Wessos Radio officiel, entre parenthèses. Donc réagir sur le mur ou nous envoyer des mails. Ça, on attend avec impatience quelques petits mails Oh, éventuellement. ça nous fait plaisir des mails un C'est en peu. privé, donc c'est très bien, même, mais voilà. Avec un minuscule, westosradio@gmail.com, tout attaché. Ouais, suivez-nous aussi sur Twitter, hein, le compte tous les comptes Twitter Oui, Ressource Radio aussi, vous avez le droit, hein, c'est pas interdit. Et pour finir la liste des partenaires, il y a Catchesilium, Révolte T'as quand même, de Kevin. oui, Révolte de Kevin, t'as quand même oublié Vox Catch. Oui, bien sûr, non, mais j'ai oublié Vox Catch. Attention, non, non, justement, c'est le meilleur pour la fin parce que il y a quand même une review à lire aussi, écrite par Darren, donc voilà. Vous pouvez me voir parler aussi, parler de la suite de la Vox Catch, bien sûr. Ah, ben oui, ça faut suivre sur Facebook et Twitter aussi, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié des partenaires. Niveau rendez-vous, il y aura un podcast. Dans 3 semaines, on l'a dit il y a 30 secondes. Non, mais j'étais en train de calculer juste avant, on sortira Vintage Wessels consacré à Bound for Glory. Voilà, c'est dans le carton. Et ouais, ce sera une bonne semaine, hein, parce que ensuite, justement, on vous retrouvera cette semaine-là, ce sera aux alentours du 15 octobre. Ça sera pour mon anniversaire, le 15 octobre. Oui, bon anniversaire, oui. Bon, on verra. Et justement, on vous retrouvera pour Battleground. Et ensuite, il y aura un numéro spécial TNA sur Bound for Glory. Et ensuite, 3 semaines après, Hell in a Cell. Comme quoi. On n'aura pas oublié aussi le mois de novembre. Casser les oreilles. Le mois de novembre aussi sera chargé en actualité pour nous parce qu'on fêtera nos 3 ans. Et ce sera mon anniversaire. Voilà. Donc... Bon anniversaire. Oui, chacun son truc. Donc voilà un programme copieux. N'hésitez pas à réagir à ce podcast sur tous les forums sociaux, tout ça. Et sur Wessels, bien sûr, quand le forum marche. Et on vous retrouve donc dans les prochaines semaines qui seront très denses à l'actualité. Ciao. Ciao, salut à tous. Bisous. Bisous, Zoubi.